Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique dédié aux arts visuels, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Christelle Tremblay ce soir à l'animation, accompagnée de Mathilde Harvey-Morin, à la console, au montage, aux communications, sur les plateformes. Bonsoir Mathilde. Salut Christelle. Ah, j'adore tes multitâches. Je crois que genre, ça se résume pas super bien tout ensemble. On pour va vraiment, trouver, on va trouver un mot cette année. Oui, c'est le début de la saison. On se donne encore un peu d'aise, en fait, à trouver nos places. Mm-hmm. Mais c'est déjà le deuxième épisode. Et puis, ce soir, on reçoit vraiment une superbe diversité d'artistes à l'émission. Est-ce que tu aurais envie de nous présenter le menu de ce soir, s'il ben te oui, plaît? Bien sûr. Donc, on va commencer par recevoir Céline... Wigbert, merci. Une artiste qui s'intéresse au point de rencontre entre les arts visuels et la littérature. Elle vient nous parler de son exposition présentement en montre à Rimouski et de son projet de résidence qu'elle amorce à Est-Nord-Est cet hiver. Ensuite, on reçoit Pascal Laliberté, une artiste récipiendaire du prix Tombé dans l'œil en 2021, qui participe à l'expo des membres de la résonance... Bon, les membres de la résonance de la nature dans la galerie de l'œil de poisson, la Grande Galerie. Et enfin, on reçoit les artistes qui font le banc d'essai 2024 à la Galerie des arts visuels. Donc, Camille Duchesne, Jade Dumont-Gaériépi et Alain Houde. Exactement. Donc, plusieurs artistes de la relève et puis une plus longue entrevue avec Céline qui nous parle de là où elle est rendue, elle, dans sa démarche, qui est toute une démarche de recherche. En fait, j'ai très hâte qu'elle nous en parle. La sélection audio pour l'émission de ce soir a été faite par Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL. Il nous propose de découvrir l'album très récent de l'artiste de Toronto, Pax, l'album Melt the Honey, sorti le 19 janvier 2024. Ça s'inspire d'un voyage au Mexique réalisé par l'artiste accompagné de ses musiciens. C'est une collaboration très sensible entre le groupe, leur sensibilité dans de nouveaux paysages. Alors, on écoute la première piste qui s'appelle 89 Days, 89 Days de Pax et on revient au retour de la pause. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro et je suis accompagnée par visioconférence par Céline Wigbert. Bonsoir Céline. Bonsoir Christelle. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Je te remercie de te joindre à nous. On a eu le temps de se saluer hors d'onde, mais je te disais, et puis je souhaite le partager avec tout le monde, que moi j'ai gardé un œil sur l'évolution de ta pratique depuis plusieurs années, puisque nos chemins se sont croisés à Montréal il y a peut-être même 10 ans, peut-être, dans un cours de création littéraire. Et déjà, l'ensemble des aspirations que tu nous partageais dans ce cours-là laissait présager tes aventures en art visuel et puis en littérature. Alors, je suis très heureuse de voir que ton travail maintenant a sa place en galerie. Et c'est pour ça que je t'invite à l'émission de ce soir. Merci. Alors, premièrement, peut-être ce serait plus agréable pour les auditeurs si tu acceptais de résumer un peu ta démarche, ce que tu proposes, ce que tu cherches et sur quoi tu travailles. Oui, alors pour essayer de faire ça simple et sans images... moi, je suis en fait artiste et autrice. J'utilise principalement le langage comme médium, mais un langage qui peut se déployer donc sous forme de livres traditionnels imprimés par une maison d'édition, mais aussi sous forme de livres indépendants, donc fanzines, livres d'artistes, et sous forme d'expositions, donc avec un texte qui va être mis en espace et souvent mis en relation avec des images et d'autres médiums, comme là en ce moment, le papier, l'argile et les arts imprimés. Quand tu dis en ce moment, tu parles de l'expo qui est présentée à Caravanserai? Oui, exactement. C'est une expo qui a fait un long parcours. Je lisais en fait que tu travaillais déjà en 2016 lors d'un passage en résidence à Québec à la Chambre Blanche. Tu travaillais déjà les thèmes de cette expo. Oui, c'est vraiment là qu'a pris naissance ce projet-là, pendant une résidence de 2 mois à la Chambre Blanche. Donc, c'est une exposition qui se construit autour d'une fiction, mais donc une fiction d'une artiste visuelle, mais qui est nourrie par beaucoup de documentation. D'où la résidence à la Chambre Blanche, là où j'ai commencé à faire de la documentation dans le centre de documentation de la Chambre Blanche. Puis ensuite, j'ai continué à Artext en 2018 et 2019, si je me souviens bien. Et donc, j'ai fait des recherches pour essayer d'offrir à mon artiste fictive toute une documentation réelle trouvée dans les dossiers d'artistes québécoises contemporaines. Et donc, ce sont des emprunts, on pourrait dire? Peut-être une forme de dialogue. Donc, il y a cette partie recherche avec de la documentation. Au début, l'impulsion de ce projet-là, c'est peut-être même une impulsion politique. Puis quand j'ai commencé à faire la première résidence, je me suis intéressée beaucoup au langage qui était utilisé par les artistes, mais aussi par le milieu institutionnel, journalistique, le milieu de l'histoire de l'art, pour désigner le travail des artistes quand c'est des femmes. Sans surprise, c'est un langage qui est très binaire et très stéréotypé. Avec des femmes artistes, on va souvent vers le petit, le privé, l'intime, le domestique. Donc au début, j'étais vraiment dans des considérations comme ça politiques, mais en fait, assez rapidement, j'ai eu besoin de me demander comment je pouvais travailler artistiquement autour de ces questionnements-là. Puis c'est là où mon obsession pour les archives ou les gestes qui ne laissent pas de traces est venue s'en mêler autour de cette préoccupation politique. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser plutôt dans les dossiers à ce qui n'est pas archivé, qu'est-ce que je ne trouve pas dans ces dossiers d'artistes. Et donc c'est là où il y a une recherche et il y a un dialogue, parce que j'ai aussi fait une correspondance avec une cinquantaine d'artistes. Ah bon? Alors c'est pas seulement de recenser et de fouiller les centres d'archives, mais aussi, c'est aussi d'aller chercher de la doc, on pourrait dire des paroles directes ou des traces d'échanges plus informels. Oui, en fait, dans l'exposition sont présentées 50 cartes que des artistes m'ont envoyées et dans lesquelles elles décrivent une œuvre qu'elles n'ont pas réalisée. Donc ça vient faire contrepoids aux archives institutionnalisées dans les dossiers. Ce qu'on trouve pas, c'est évidemment les hésitations, les doutes, les gestes non terminés. Et donc, j'ai eu envie de proposer à ces artistes-là de qu'on constitue nos propres archives, des archives un peu illégitimes, et qu'elles puissent participer, que ces archives illégitimes puissent être considérées comme des vraies archives. Quel fantasme de pouvoir témoigner, de rendre réel ce qui n'a pas été mis au monde d'une autre manière que par notre pensée, des souhaits, des désirs qui ont été abandonnés à cause de toutes sortes de facteurs, de conditions. Complètement. Alors ton expo s'intitule « Tes suppressions ». On comprend maintenant pourquoi. elle vient tout juste d'être vernie à Caravanserai, c'était le 25 janvier dernier. Est-ce que ça s'est bien déroulé? C'était vraiment très très chouette le vernissage. Il y avait beaucoup de monde, c'était très chaleureux. C'était un très beau vernissage. Oui. La collaboration avec Caravanserai, ça a bien été aussi. C'est un endroit dont il y a tellement de bonnes choses qui circulent à propos de leur accueil, des choix d'exposition qu'ils font. Alors, je peux juste imaginer que la rencontre a été belle. Vraiment, c'est un centre qui est exemplaire. L'accueil est merveilleux. Je me suis sentie très chanceuse. Puis la salle est aussi très, très séduisante parce que c'est une ancienne salle de cinéma. Donc, avec ses particularités auxquelles on n'est pas forcément habitué. On est quand même pas mal habitué au cube blanc. Hein, donc, oui. Cette espèce de salle avec des murs blancs et un sol en béton gris. Et là, c'est une salle de cinéma, donc avec un dénivelé qui est assez surprenant, avec lequel il faut travailler. Un sol vert, on n'a pas l'habitude non plus, puis plein de petites particularités. Et j'ai adoré travailler avec ces particularités-là, les intégrer dans la mise en espace. Et donc, lorsque tu dis dans ta démarche que ce qu'on a cité en début d'émission, la rencontre entre les arts visuels et la littérature, matériellement, est-ce qu'il y a des objets ou des propositions qui sortent de la page traditionnelle? Alors là, c'est une question qui est difficile. La page, elle est omniprésente dans cette exposition, mais en même temps, on n'est pas dans un livre, ou alors c'est le corps qui rentre entièrement dans le livre, peut-être. Mais il y a des questions d'échelle qui sont complètement différentes, puisque les pages sont très très très très grandes. Je pense qu'elles font 87 pieds, donc. Oh wow. Donc, et immergé dans la page, si on garde l'idée du livre. Puis donc le livre, il est toujours là. Il y a aussi beaucoup de textes. Faut quand même s'attendre. Faut prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de textes à lire. Mais tout est souvent déployé sous forme de miroir. Donc pour reprendre l'image du livre ouvert sur deux pages. Mais la page peut être parfois sous forme d'argile, les échelles peuvent être très grandes ou très petites, et puis il y a l'image qui est aussi très très présente. Mais c'est sûr que on sent l'existence d'une narration, là. On sent qu'il y a une histoire qui est racontée, et on sent l'existence de mon amour pour le texte. Et là, si on bifurque un peu vers ce sujet-là, c'est-à-dire que ta posture d'auteur est aussi transitée ou en tout cas habitée par la présence des arts visuels, parce que dans la majeure partie de tes publications, le livre fait aussi œuvre ou livre d'artiste. Il y a toujours un caractère très tactile, très des surprises qu'on découvre en retournant les pages. Et donc, en tant qu'auteur, tu as toujours travaillé le livre lui-même comme objet d'art. Est-ce que les livres sur lesquels tu travailles aujourd'hui sont en résonance avec l'exposition qui est en montre à Caravanserai? Alors oui, complètement. Là, je suis en résidence à Est-Nord-Est, à Saint-Jean-Port-Joli, où en fait je suis en train de travailler sur le volet 3 de ce projet-là d'artiste fictive, et qui est un livre autour d'une exposition d'œuvres non réalisées par cet artiste. Donc, en collaboration avec les 50 artistes avec qui j'ai correspondu. Donc oui, là, il y a vraiment un lien énorme. C'est un livre qui est publié par Artex, un centre de documentation à Montréal, où j'ai fait ma résidence. Donc c'est un livre qui est à cheval entre la littérature et les arts visuels, et qui est pris en charge par un centre en art visuel pour sa production et sa diffusion. Donc l'hybridation a atteint le niveau maximum. Les deux tes deux disciplines sont maintenant complètement diffuses et en osmose, en fait. Oui, j'espère que c'est pas son niveau maximum. J'espère qu'il y a encore plus de fusion possible. Mais oui, je pense qu'au début de ma pratique, je me sentais obligée de séparer sans arrêt mes projets, là, d'essayer parfois de les faire rentrer dans la case littéraire et d'autres fois dans la case artistique. Et maintenant, j'ai l'impression que même si j'essayais de le faire, je peux plus vraiment le faire. Là, quand je conçois un livre, Je sais qu'il va y avoir un volet visuel et un volet littéraire. J'aimerais te poser la question, puisque moi, je t'ai d'abord rencontré dans une posture de professeur. J'ai envie de te demander conseil pour des artistes qui s'intéressent à l'hybridation entre la littérature et les arts visuels. Aurais-tu des sources d'inspiration qui t'inspirent, toi, des artistes ou des autrices, auteurs, qui sont des phares pour toi dans ce champ-là? Une star de l'art contemporain qui a joué un rôle vraiment important pour moi, c'est Sophie Calle. J'allais dire la même chose, mais je suis très contente que tu la nommes parce que ton travail me fait beaucoup penser à elle, mais un peu à l'inverse. C'est-à-dire qu'elle utilise beaucoup l'image dans l'exposition, mais on sent toute la démarche littéraire derrière. Oui, pour moi, c'est une grande écrivaine, puis on parle peu de ce volet-là de son travail, alors que ce soit dans les livres ou dans ses expositions, sa capacité à raconter des histoires Oui. dans des formes très brèves est assez impressionnante. Donc oui, Sophie Calle, vraiment. Je pense que Patti Hill, qui est beaucoup moins connue, une artiste américaine qui travaille beaucoup aussi avec la photocopie, qui a travaillé beaucoup avec la photocopie et qui a fait beaucoup de livres d'artistes, de fanzines. C'est aussi une artiste qui est très importante pour moi. Et le fanzine, en fait, on le considère toujours un peu à part du livre d'artiste, mais c'est pas vrai, hein? Les catégories ne servent pas nécessairement les propositions qui sont faites par les artistes qui travaillent le fanzine comme forme. C'est vraiment une bonne piste à observer, effectivement. T'as raison de le souligner. Après, moi, je suis pas une grande, grande théoricienne au niveau de la terminologie, mais on a tendance à associer le fanzine beaucoup plus à des pratiques non reconnues, non institutionnalisées, et donc parfois bricolées et même voire amateurs, alors que le fanzine, oui, je pense que c'est un médium qui est très libérateur et libéré des contraintes institutionnelles, mais dans lequel il y a des artistes, des écrivains, des écrivaines avec un talent incroyable Oui, qui s'emparent du fanzine. de grands, grands talents. Je pense beaucoup à Siri Ousvet quand je pense à ta pratique, parce qu'elle a l'habitude de se glisser dans la peau, dans ses fictions, de certaines femmes artistes, ou en tout cas de se rapprocher terriblement du milieu de l'art actuel ou de l'art contemporain. Et je me demande si ton personnage fictionnel, en fait, de femme artiste au cœur de ta série de livres et de ton exposition, est un double? Est-ce que c'est un avatar ou est-ce que c'est quelqu'un qui existe que tu cites tendrement sans nommer? Je te remercie pour la comparaison. J'aimerais beaucoup avoir le talent de Siri Ousvet. Puis je pense qu'elle, elle a aussi une posture d'historienne de l'art et de critique d'art qui nourrit beaucoup ses livres. C'est complexe. J'arrive pas encore bien à délimiter où je me trouve dans ce projet-là, et c'est d'ailleurs une question que j'essaie de démêler en ce moment, puisque dans les deux expositions, comme dans le livre, je suis là, mais en tant que fausse commissaire qui présenterait les œuvres de cette artiste. Donc, je m'adresse à elle quand le titre de l'exposition, c'est « Tes suppressions ». Il y a un jeu qui est le jeu de Céline Huyghepert et qui s'adresse à cet artiste-là. Puis dans le livre aussi, il y a nos échanges, nos correspondances. Donc j'ai une identité propre, mais c'est sûr qu'en même temps, ça commence à être difficile de faire la distinction, de mettre une barrière très claire entre elle et moi. Donc j'essaie de démêler ça pour que ce soit plus intéressant dans le livre, qu'il y ait bien deux personnages et non plus un seul. Quoique les jeux de double et de doute entre la proximité de la narration et de ce personnage-là sont toujours très intéressants à lire aussi. Céline, je veux te remercier pour ta générosité, pour tes propos, pour ta recherche qui est tout à fait inspirante pour une foule d'artistes et d'amoureux de l'art et de la littérature. Merci beaucoup pour tes questions et ton temps. Ça fait plaisir. Je te souhaite du bon temps à Saint-Jean-Port-Joli. Que l'hiver soit magnifique et inspirant pendant ta résidence. Au revoir, Céline. Au revoir. Nous, on quitte en pause musicale puisqu'on a fait une longue entrevue. On écoute une nouvelle piste du groupe torontois Pax. Au retour de la pause, on s'adresse à Pascal Laliberté au sujet de sa participation à une grande exposition qui s'appelle « La résonance de la nature » à la Grande Galerie de l'Œil de Poisson. Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, ici Christelle Tremblay au micro. Je suis en studio accompagnée par Mathilde Harvey-Morin à la console et à la co-animation. Et puis on est accompagnée par trois artistes qui nous ont rejoints en studio. Ils sont les artistes sélectionnés cette année pour le banc d'essai 2024. Le banc d'essai, c'est une longue tradition de la Galerie des arts visuels en collaboration avec l'Université Laval. Donc j'imagine que vous êtes très fiers de faire partie de cette édition. Je vous laisse vous présenter, Alain. Alain, ben, mon nom est Alain Houde. Je suis étudiant au bac en deuxième année. Et puis, écoute, moi, je suis un artiste dans l'âme depuis toujours. Puis, j'ai décidé de parfaire mes connaissances en art en allant à l'université. C'est un mode d'apprentissage qui me convient bien à moi. Je fais beaucoup de trucs installatifs. D'accord. J'expérimente beaucoup aussi. Je me sers de toutes les ressources de l'université pour expérimenter plein de choses que j'ai jamais faites auparavant. Vidéo, projection, utiliser toutes sortes de nouveaux matériaux dans mes installations. Je touche à plein de sujets aussi, des sujets qui me touchent. Comme des trucs un peu sociologiques qui ont rapport à la masculinité, la mémoire, la science, l'intelligence artificielle. Wow! Un grand explorateur. Ah wow, c'est super! on va revenir à ces sujets-là pour voir ce qui vous lie. Mais d'abord, Jade, aimerais-tu te présenter? Oui. Moi, c'est Jade Dumont-Garriépy. Je suis aussi en deuxième année au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Et à travers ce parcours universitaire-là, j'essaie de développer ma démarche artistique. Et pour le moment, elle se concentre, je remarque que depuis un an, elle se concentre sur une relation entre le corps et l'espace. C'est une réflexion qui je remarque est constamment dans mes projets. Et par ce fait même, j'exploite cette relation-là entre le corps et l'espace à travers la performance, leur action, des installations et aussi la documentation est un aspect très important pour arriver à diffuser ce que je fais, autant vidéo que photo. Super. Je vois déjà des liens, bien sûr, dans les choix des médiums. On poursuit avec Camille. Bonsoir, Camille. Bonjour. Moi, c'est Camille Duchesne. Je suis aussi une étudiante de deuxième année au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Je me définirais comme une artiste de l'installation-performance. Donc, c'est vraiment à la lisière de ces deux disciplines-là que mon travail le plus fort va se trouver. Du moins, j'ai l'impression. La performativité, c'est vraiment super important pour moi. C'est quelque chose dont je semble décidément complètement incapable de me séparer. Je dis souvent à la blague que je suis atteinte de la performativité chronique. Donc, voilà. Puis, moi, la manière dont je procède, c'est que je vais vraiment m'inspirer de sujets qui sont plus proches de moi. Je vais les transformer en allégories. Puis ensuite, vraiment présenter ça pour que les gens puissent s'approprier cette nouvelle chose-là, puis se pénétrer dans mon univers, là. Bon, avant de plonger chacun là, dans les thèmes qui vous habitent, pourriez-vous me parler un peu de ce qu'est l'installation pour vous? C'est quoi la teneur, en fait, de cette pratique-là? En quoi ça consiste? Pour quelqu'un qui entre dans une galerie, par exemple, qui va voir Banc d'essai à la Galerie des arts visuels, à quoi cette personne serait confrontée? Je peux y aller. Je peux commencer, okay, bien sûr. Ben, l'installation, en fait, c'est l'utilisation de l'espace qui est disponible. Donc, c'est beaucoup lié au lieu où on fait l'exposition. Souvent, c'est des objets qu'on peut retrouver un peu partout, qu'on installe différemment juste pour créer une espèce de questionnement par rapport à l'utilisation de ces choses-là. Moi, dans mon cas, j'inclus aussi des vidéos. Parfois aussi, j'inclus des sculptures que je peux créer et puis que je mets en contexte dans une installation. Est-ce que ça veut dire la même chose pour toi, Jade? Oui, très similaire. C'est-à-dire que pour moi, l'installation, c'est une œuvre qui prend place dans l'espace, qui se déploie, que ce soit au mur, au sol ou dans en trois dimensions, on pourrait dire. Ça peut être photo, vidéo, objet, mais aussi qui implique le visiteur, le regardeur, à faire partie de cet espace-là, à reconsidérer l'espace que cette personne-là occupe, sa position physique par rapport à l'œuvre. Oui. Son implication, oui, sa participation. Et quelqu'un qui entre à la Galerie des arts visuels, je vais te poser la question à toi, Camille. Est-ce que la personne, pour quelqu'un qui regarde sans vous connaître préalablement, est-ce que c'est clair quels sont les espaces de la galerie qui sont occupés par qui ou tout s'est contaminé? Je dirais qu'on est quand même capable d'identifier des zones qui sont différentes. Moi, je trouve que mon travail se sépare un petit peu plus des autres parce que les deux autres utilisent des projections vidéo, ce qui est pas mon cas. Il y a vraiment rien de numérique dans ce que j'ai fait. Puis, il y a aussi que mon travail a une esthétique, un langage visuel, tant dans les matériaux que dans les couleurs, qui est assez... propre, qui lui est propre, en fait, là. Donc, c'est assez facile de détacher, mais si on s'approche plus, c'est sûr qu'on est capable de différencier le travail d'Alain et le travail de Jade également. L'espace est quand même divisé clairement, là. Donc, c'est pas les œuvres qui sont complètement mélangées. Et c'est des choix que vous avez faits parce que j'imagine que lorsqu'on vous invite, on vous demande de travailler aussi ou de collaborer avec l'équipe de la galerie pour la mise en espace. Oui, effectivement. Cette année, il est arrivé un drôle d'addon où l'équipe de la galerie et les artistes exposants étaient... les mêmes personnes, ah dans non, certains cas. Alain voilà. Et moi, on travaille à la galerie. Exact. Ah, ça, c'est extraordinaire. J'ai pas trouvé ça dans mes recherches, mais c'est vraiment bon. C'est une surprise. Et c'est vraiment un hasard, là. C'est vraiment arrivé comme ça. Moi, on m'a proposé la mise en espace, puis j'ai accepté la première chose qui m'a été proposée comme séparation de l'espace. Ça me convenait parfaitement, puis je trouve que c'est un bon choix, là. Je suis très satisfaite de comment on a réussi à prendre nos places dans la galerie, puis comment nos travaux se parle dans cet espace. Le gros de ce job-là, comme on dit, c'est Lisanne Nadeau, la directrice de la galerie, qui nous guide un peu, qui nous demande notre opinion toujours. On fait partie de la conversation, mais c'est elle qui a vraiment, une idée fine de l'espace puis de comment les choses peuvent se déployer dans cet espace-là en fonction de nos différents projets. Fait que kudos à Lisanne. Oui. Elle a toute notre confiance par rapport à ça. Je pense j'imagine. Oui. Et ça doit être très riche d'avoir accès à ce dialogue-là parce que, bon, j'imagine que dans votre parcours, c'est peut-être... Mais détrompez-moi, s'il vous plaît, si je me trompe, mais il s'agit peut-être de la première exposition. Oui, mais en tout cas, dans mon cas, c'est la première exposition. C'est pas ma première apparition, mais définitivement la première fois où on me laisse habiter un espace pour aussi longtemps et où les gens peuvent voir les choses que j'ai produites sans que je sois là pour en répondre en personne, bien évidemment. Mais ça, c'est une grande chance. Et pour toi, Jeanne? Ben moi, pour ma part, j'avais fait une exposition au Musée d'art de Joliette pendant une semaine dans le cadre d'une exposition définissant au Cégep. Le musée de Joliette et le Cégep de Joliette. Oh, une collaboration. Oui, exactement. Ben ce qui a mené à ça, mais c'est quand même la première fois que j'expose pour une longue durée, je pourrais dire. Oui. Pour ma part, c'est la deuxième fois dans une galerie, on va dire, reconnue, tu sais, pour l'art. Sinon, j'ai participé beaucoup à toutes sortes d'événements artistiques, tout ça. Puis moi, j'ai habité l'Outaouais longtemps, donc j'avais eu l'opportunité de faire une exposition là-bas en Outaouais pour les artistes émergents. Mm-hmm. Puis ça avait été bien, mais c'était pendant la pandémie. Puis en tout cas, tu sais, le contexte était complètement différent. Ouais. On peut dire que là, c'est comme une grande première. Et ça doit être extrêmement riche, en fait, de se voir, de voir ces œuvres comme ça, prises au sérieux, montrées au public. Avez-vous eu de belles rétroactions de la part de vos pairs? Oui, puis aussi, une chose que moi et Alain pouvons constater et vivre, c'est qu'en travaillant à la galerie, en étant présent lorsque les visiteurs viennent, on peut avoir leurs commentaires directement, donc c'est encore plus riche. Désolée Camille. Mais c'est ça, on peut directement avoir le contact avec les visiteurs et leurs commentaires enrichissants et leurs perceptions. Oui. Si c'était à refaire, si on vous offre un deuxième banc d'essai ou tout de suite une nouvelle expo, continueriez-vous dans la même lancée? Ou voyez-vous déjà des choses qui peuvent être ajustées dans votre démarche? Ben, moi, je continuerai probablement dans la même lancée, mais comme j'explore beaucoup, qui sait à quoi ça pourrait ressembler? Fait que c'est beaucoup en lien avec notre travail artistique à l'intérieur de nos cours universitaires, tout ça. Donc, tant les thématiques que les médiums qui composent ta pratique? Oui, ben les thématiques restent toujours un peu les mêmes et j'essaie de vraiment explorer des médiums, justement, puis de profiter à fond de toute l'aide technique qu'on a à l'université. Tu sais, comme j'ai fait des projets sonores, j'avais jamais travaillé avec le sonore. Le vidéo, c'est tout récent pour moi, puis... La grande partie de ce que je présente à la galerie, c'est des trucs vidéo. Donc, c'est ça, tu sais, je me laisse aller un petit peu là-dedans. Parfait, dans la découverte. Ouais. Et toi, Jade, est-ce que ça a changé les choses de te voir comme ça, exposé? Au sujet de ta question, si on changerait déjà des choses dans l'exposition, moi, pour ma part, je ne changerais pas l'exposition pour le moment. J'ai pas encore assez les projets qui sont présentés sont les plus récents et ceux que je considère pour le moment les plus achevés, les plus aboutis. C'est sûr que dans 2 semaines, 3 semaines, il va y avoir d'autres projets que je vais avoir créés. Je vais peut-être avoir un discours différent, mais pour le moment, je suis très satisfaite. Ah, je suis vraiment heureuse pour vous. Et toi, Camille? Donc, pour ma part, je changerai rien à ce qui est dans la galerie en ce moment, au choix que j'ai fait. Je trouve que c'est bien. Par contre, je considère que c'est, je pense, le dernier projet de la série sur laquelle je travaillais que j'appelle les Noyades. Donc, je pense vraiment que c'est le point culminant puis que je retournerai pas vers cette série-là, mais je vais continuer dans l'installation de performance, puis je vais continuer avec la même méthode de travail là, que j'ai déjà. C'est très affirmé, vos démarches, vos choix. Mais félicitations Bravo aussi pour la performance. J'ai pas eu la chance de la voir, celle que tu as fait au vernissage. Oui, merci, mais ça s'est super bien passé. Très contente. À la prochaine. Certainement. C'était pas ma dernière. Non. Non, ça, c'est une bonne chose à entendre. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation, de belles rétroactions de la part du public, et puis la meilleure des chances dans vos carrières respectives. Je vous remercie d'être passé à l'émission avec nous. Merci. Merci. Au revoir. On se quitte en pause musicale avec toujours une nouvelle piste de l'album des Torontois du groupe Pax. Et puis, on revient au retour de la pause avec Pascal Laliberté qui nous parle de sa participation à l'expo La résonance de la nature à la Grande Galerie de l'Œil de Poisson. Bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro, grâce à Mathilde Harvey-Morin à la console qui sait nous mettre en onde, nous remettre à l'ordre. Tout ça se passe très très bien grâce à elle et on est accompagné par Pascal Laliberté en studio. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Oh, merci d'être là avec nous, ça me fait tellement plaisir. Pascal et moi, on se connaît puisqu'on s'est croisés dans notre parcours, dans notre cheminement à la Maison des métiers d'art en sculpture, mais depuis quelques années, tu évolues dans le domaine artistique par toi-même, donc je suis ton parcours comme je suis ceux de bien d'autres artistes, par les publications, les annonces, les vernissages, on voit tes événements passer et ta participation à l'exposition des membres à la Grande Galerie de l'Œil de Poisson me donne l'occasion enfin de t'inviter pour savoir comment ça se passe de ton côté. Alors, serais-tu à l'aise de commencer par refaire un peu le fil de comment tu t'es retrouvée à pratiquer dans le champ des arts visuels, ta carrière et puis ta démarche, si tu peux nous mettre en contexte. Oui, mais moi aussi je suis super heureuse d'être ici. j'ai papillonné pendant quelques temps avant de trouver ma voie dans les arts. Donc, tout d'abord, j'ai fait des études en sciences politiques et en urbanisme. Donc, je pense que ça teinte malgré tout ma façon de voir le monde, les choses. Puis, à la suite d'un long séjour à l'étranger, en fait, à plusieurs endroits, lorsque je suis revenue, je me suis positionnée, puis j'ai décidé d'entamer comme mon voyage intérieur. Donc, plutôt qu'aller chercher à l'extérieur les réponses, j'ai voulu creuser en moi. Puis, ça a passé par le biais de la sculpture, donc à la Maison des métiers d'art. C'est un parcours de 3 ans. Et à la suite de ça, ben là, j'ai comme participé à plusieurs événements en art, également des ateliers, des cours, parce que progressivement, je pense que j'arrive à mieux savoir qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans mes projets. Donc, ça devient de plus en plus personnel. Le cadre de l'école, c'est un super cadre pour apprendre les techniques, tout ça. Mais ça prend quelques temps après la remise du diplôme pour vraiment savoir qu'est-ce qui fait partie de notre fibre, puis qu'est-ce qu'on a envie de mettre de l'avant. Donc, depuis 2 ans, depuis que j'ai reçu mon diplôme, c'est ce que je fais par-ci, par-là. Donc, mon travail, il commence à être un peu plus connu, mais donc, une de mes difficultés, c'est vraiment la diffusion. Donc, cette fois-ci, d'être invitée comme ça à la Galerie L'Œil de Poisson, parmi d'autres artistes qui sont bien établis, c'est vraiment une super opportunité, puis en quelque sorte un honneur aussi. Oui. Parce que c'est une galerie établie dans la ville de Québec, oui, avec une belle reconnaissance. Tout à fait. Et puis, c'est tout à fait nouveau. On souhaite recevoir Marc-Antoine Faneuf cet hiver pour parler justement de l'initiative de L'Œil de Poisson d'accueillir une exposition par saison dédiée à ses membres et d'y inclure les récipiendaires des prix tombés dans l'œil à la fois des arts visuels, de l'École des arts visuels de l'Université Laval, mais aussi de la Maison des métiers d'art. Donc, tu fais partie des premiers récipiendaires de ce prix-là à avoir accès à l'exposition, ce qui est vraiment une belle reconnaissance. Oui, tout à fait. C'est super encourageant. Puis, je pense que le volet aussi réseautage, socialisation, de s'intégrer dans un milieu, ça prend tout son sens. Donc, juste avant de passer en onde, on parlait un peu de cette nécessité-là d'être ensemble, parce que lorsqu'on est artiste, on est amené bien souvent à travailler seul. Mais c'est tout aussi important de se rappeler qu'il y a d'autres gens qui sont dans les mêmes processus que nous. Oui, tout à fait. Puis avec qui, bon, là, je fais un clin d'œil au titre de l'expo, mais avec qui la résonance peut nous permettre de s'accepter ou de mieux contextualiser ce qui se passe dans nos démarches. Mm. Parlons un peu plus spécifiquement de ton travail, si tu acceptes. Oui. Parce que moi, j'ai eu la chance de te voir travailler sur des œuvres qui ont fait l'objet d'expositions dans le réseau des bibliothèques et aussi... À Saint-Jean-Port-Joli, tu as travaillé sur une œuvre monumentale. Oui. Oui, parce que je me rappelle lorsque j'ai vu la taille du tronc d'arbre, j'étais impressionnée, pour pas dire découragée, avant même d'avoir touché la matière. C'était énorme. C'était plus ou moins 3 mètres de long. Avec un bon diamètre. Ça, c'est le projet que j'ai réalisé cet été. J'ai été réinvitée. Donc, après la fin de mes études à la Maison des métiers d'art, j'ai été invitée à la Biennale en 2021. Puis, pour plusieurs raisons, le projet s'est terminé, mais n'a pas été exposé. Puis, on m'a réinvitée cet été. Mais ça a été vraiment une super occasion parce que j'étais beaucoup plus proche de ce que j'avais envie de créer. J'ai attaqué un énorme tronc, et j'ai voulu mêler une série de gestes chorégraphiques parce que dans la dernière année, j'ai vraiment... Tu t'es abandonnée à la danse! Oui, exact! C'est les bons mots, complètement. J'ai relu un peu mes notes, puis j'ai vu à quel point... j'allais chercher tout ce qui s'offrait à moi, les formations, les groupes, tout ça. Et donc, j'ai voulu amener le monde de la danse dans la sculpture. Ce qui fait que pour le projet de Saint-Jean-Port-Joli, je suis un peu allée à tâtons dans quelque chose de complètement nouveau. Et j'ai décidé d'attaquer la matière avec un geste chorégraphique pour voir comment ça pouvait transformer l'expérience du corps, parce qu'évidemment, on se fatigue, puis qu'est-ce que la matière nous renvoie par la suite. Donc, quelque chose de très sensoriel, un peu désintellectualisé aussi. Oui, mais très élégant. J'ai vu la captation vidéo de ta performance. Okay. Surprise, la diffusion, ça fonctionne quand même, Pascal. Avec les 10 personnes qui ont le lien. C'est génial. Oui, je ne sais pas trop comment j'ai fait. Je pense que des Instagram Live où il y avait une forme de diffusion très, très proche des journées de l'événement qui m'ont permis de voir ton corps, ton habit, la relation que tu avais établie par le mouvement autour de la sculpture et du lieu aussi, de l'environnement. Et c'était très réussi. Puis je voyais des échos du travail que tu avais fait sur des biomes aidants à la bibliothèque où tu avais beaucoup gravé, tracé, sculpté directement dans un bio de bois. Donc, il y a une grande évolution quand même qui était cohérente pour moi. Et là, étonnement complet quand j'arrive à la Grande Galerie de l'Œil de Poisson, puis je vois ta pièce qui... premièrement, n'est pas en bois, ou en tout cas n'a pas l'air d'être en bois. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal? Changement de médium! En fait, c'est amusant, mais c'est rare que je reprends un médium. Le bois, évidemment, parce que c'est une des matières qu'on touche le plus à la Maison des métiers d'art, donc ça devient quasiment un automatisme. Mm-hmm. Mais autrement, mon projet de fin d'études, ça avait été... aluminium? Oui, de l'aluminium recyclé, coulé... à maintes fois. Donc, il y avait tout ce processus-là. Ensuite, au passage insolite, j'ai utilisé les cerceaux. Ready-made, plastique. C'est vrai, ça. T'as tout à fait raison. Donc, je pense que j'ai cet attrait-là pour le défi, bien malgré moi. Et donc, cette fois-ci, j'avais envie de travailler la flamme, la présence de la lumière, du feu. Donc, j'ai utilisé principalement la cire, mais également le plâtre, parce que ça a des caractéristiques ignifuges, donc protection contre le feu, bien important dans une galerie d'art. Tout à fait. Quelle ingéniosité! Et là, l'activation de la pièce s'est faite dans l'espace. Est-ce que tu as eu une belle réception? Ah, ça a été magique. Oh, ça a été superbe. En fait, ça m'a fait réaliser que si je continue le projet, il va falloir que je mette encore plus d'accent sur le jeu de lumière parce que la sculpture, elle était à son meilleur lorsque les lumières étaient éteintes. Mais bien évidemment, c'est une expo collective, donc les autres œuvres se voient dans le jour, avec la lumière. Ça a duré peu de temps, mais ça a rassemblé les gens. C'était silencieux, il y avait une curiosité. C'était vraiment le fun. Oh, je suis très heureuse pour toi. Nous, le temps nous a filé entre les doigts. Malheureusement, on doit terminer l'émission puis se dire au revoir rapidement. Mais Pascal, c'est partie remise. Oui. Je continue de suivre ton travail, bien sûr. Et puis, on te réinvite dès qu'on a l'occasion. Génial. Merci à vous. Ça fait plaisir. Alors, Mathilde, on va filer directement dans un agenda de la semaine très, très rapide. Les deux seuls événements que l'on souhaite souligner cette semaine, c'est d'abord ce mercredi au MNBAC de 19h à 21h, il y a une conférence qui est animée par Evelyne Baudry à l'occasion du centenaire qui aurait eu lieu pour Marcel Ferron. C'est une artiste visuelle bouillonnante, édifiante, importante pour la modernité québécoise, et ils vont mettre en lumière certaines de ses œuvres dans la collection. C'est gratuit. Allez-y si vous avez la chance. Sinon, ce jeudi 1er février, c'est le lancement du mois multi, particulièrement la carte blanche à Claudie Gagnon qui s'installe au studio Avatar. Allez voir ça. On en reparle la semaine prochaine. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'Aérospatiale CKRL WordPress, mais aussi sur Spotify, SoundCloud et vos plateformes préférées de balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Un grand merci à nos invités, Céline Baer, Pascal Laliberté, Camille Duchesne, Jade Dumont-Gariépy et Alain Houde. On se laisse sur une dernière piste audio et on se dit à la semaine prochaine.